je t'envoie cette petite chanson d'amour pour te dire que je pense à toi ici tous les jours. Juste un petit air qui m'a trotté là-haut dans la tête, alors que je repense à nos moments les plus chouettes, les premières fois où je te disais tout bas, Hélène, je t'aime. Enfin je crois aux douces nuits que j'ai passées dans tes bras, à embrasser ton corps de haut en bas. Et oui ma puce, je t'aime de plus en plus, même si c'est vrai que parfois j'en regarde d'autres que toi. Oh oui ma puce, je t'aime de plus en plus, tu es la seule qui compte vraiment pour moi. Tu auras des coups de cafard, que tu te sens seul ou bien que tu voudrais juste me voir. Écoute ce petit air et ne pense plus qu'au bonheur que l'on éprouve en s'embrassant pendant des heures. Car au réveil, rien qu'en ouvrant les yeux, il me suffit de te voir pour être heureux. Ou quand tu dors, déjà depuis longtemps, je me colle contre toi tout doucement. Oh oui ma puce, je t'aime de plus en plus, et dès que je pense à toi, mon cœur s'emplit de joie. C'est vrai ma puce, je t'aime de plus en plus, mais c'est très dur d'être si loin de toi. Jamais je ne me lasse de tes bisous et puis de tes mots doux.